À l'occasion du 56e anniversaire du commencement de la direction de la révolution de Songun par le général Kim Jong-il, le séminaire sur l'œuvre du maréchal Kim Jong-un, faisant honneur pour toujours aux grandes idées révolutionnaires du Songun du camarade Kim Jong-il et à ses éminents enfants en la matière, l'exposition de livres et de photos et la science de film ont eu lieu en Bulgarie et les sciences de film en Guinée et en Malaisie. Dans la salle de l'exposition de livres et de photos étaient exhibées les photos du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, les œuvres classiques des grands hommes d'action et les livres et photos présentant les succès des militaires et civils coréens dans l'édification d'un État puissant socialiste. Aux séances de film, on a projeté le documentaire coréen « Réponse de la Corée » et d'autres.